sur les 100 à 200 milliards d'étoiles qui jalonnent notre galaxie, une petite proportion serait des naines jaunes, des étoiles de type solaire regroupant des caractéristiques proches de notre Soleil. Si de toutes les étoiles connues, les naines jaunes ne sont ni les plus impressionnantes ni les plus gargantuesques, elles n'en demeurent pas moins clés pour étudier les cycles de vie des étoiles, mais aussi pour la recherche de systèmes exoplanétaires, avec dans la tête des astronomes et des exobiologistes la quête d'un Graal, trouver un jour une jumelle du Soleil autour de laquelle orbiterait une jumelle de la Terre. Naine jaune et jolie, c'est le programme ensoleillé qui est le nôtre pour l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et de tous les titres de la méthode scientifique, celui-ci remporte peut-être la timbale. Bravo Nathalie pour l'avoir trouvé. Et pour parler des naines jaunes, nous avons le plaisir d'être en ligne aujourd'hui avec Céline Rellet. Bonjour. Bonjour. Vous êtes astronome à l'Institut Univers Temps Fréquences Interfaces Nanostructures Atmosphère et Environnement Molécules, rien que ça, l'UTINAM, à l'Université de Franche-Comté. Nous sommes également en duplex depuis les locaux de France Bleu à Nice avec Éric Lagadec. Bonjour. Bonjour Antoine, bonjour Céline. Vous êtes astronome adjoint au laboratoire Lagrange de l'Observatoire de la Côte d'Azur et président de la Société française d'astronomie et d'astrophysique. Mais avant de débuter cette discussion, elle apporte chaque jour un rayon de soleil scientifique dans les ténèbres de notre ignorance. Il s'agit bien évidemment de Natacha Triou pour le Journal des Sciences. Bonjour Natacha. Bonjour Antoine. Et on commence avec le sujet de ce journal. L'hépatite aiguë infantile d'origine inconnue continue de s'étendre. Oui, cette hépatite sévère, qui touche principalement les enfants en bonne santé, a maintenant été signalée dans 12 pays. 169 cas ont été recensés en Espagne, en Israël, aux États-Unis, au Danemark, en Irlande, aux Pays-Bas, en Italie, en Norvège, en Roumanie, bien que la grande majorité des cas se trouvent en Angleterre. Les symptômes comprennent la jaunisse, la diarrhée, des vomissements et des douleurs abdominales. 17 enfants ont dû recevoir une greffe de foie et un enfant est mort à la suite de cette inflammation. Alors pour le moment, ces cas restent encore en nombre limité, mais l'Organisation mondiale de la santé a lancé une enquête. Elle a annoncé que la priorité, c'était de déterminer l'étiologie de ces cas. Les tests ont exclu les virus de l'hépatite que l'on connaît, son origine est pour le moment inconnue, mais des pistes sont avancées. Jean-Claude Manuguera est virologue et responsable de la cellule d'intervention biologique d'urgence à l'Institut Pasteur. Alors on peut être mis sur la piste de la cause, notamment avec des aspects cliniques, hein, les symptômes qui sont développés, avec des marqueurs hémato-immunologiques, par exemple les différentes populations ou sous-populations de cellules qu'on a dans le sang qui peuvent orienter, un certain nombre aussi de marqueurs biochimiques qui peuvent orienter vers une infection virale, une infection bactérienne, une infection parasitaire ou l'absence de ces infections. Pour l'instant, on ne sait pas. L'hypothèse infectieuse virale est privilégiée, mais pour l'instant, elle n'est absolument pas démontrée. Alors, parmi les pistes énoncées, il y a la piste des adénovirus. Pourquoi ce serait la cause la plus probable ? Alors, c'est la piste la plus probable, mais c'est pas forcément la bonne piste, hein, parce qu'en fait, on a des cas, effectivement, dans lesquels on a détecté des adénovirus. Sur 11 personnes testées, on a détecté des adénovirus dans 5 de ces cas. Donc, ça veut dire que là, on a à peu près la moitié qui ont de l'adénovirus, la moitié qui n'en ont pas. Donc, il est difficile de faire un lien de cause à effet simplement sur ces analyses-là. Ensuite, il s'agirait d'un des nombreux types d'adénovirus, l'adénovirus 41. Est-ce que c'est bien le 41? Parce que par les méthodes moléculaires, c'est pas toujours facile de déterminer les sérotypes. Là, c'est une piste à explorer. Et donc, par exemple, il est conseillé, lorsqu'il y a des cas qui ressemblent à cette hépatite d'étiologie inconnue, de rechercher systématiquement les adénovirus pour voir dans quelle proportion on les retrouve. D'abord, même dans la piste infectieuse, il faudrait déterminer, alors ça c'est par les enquêtes épidémiologiques, c'est de regarder est-ce qu'il y a éventuellement une source commune ou est-ce qu'il y a des transmissions entre individus. Par exemple, lorsqu'on a des toxi-infections alimentaires, souvent on a une source qui est une usine où des steaks ont été fabriqués qui vont vont causer des cas, mais à différents endroits d'un pays ou d'un continent. Et donc là, très très vite, l'identification de la source est très importante, et généralement, il n'y a pas de transmission interpersonne entre les malades. C'est ce qu'on appelle le schéma anadémique. On peut aussi, si jamais il y a une transmission inter-individu, essayer de faire le lien entre différents individus qui pourraient montrer une chaîne épidémique qui, là, irait quand même en faveur d'un événement infectieux. Alors, il ne faut pas non plus trop se précipiter, hein, parce que dans le passé, ça nous est arrivé, notamment, on étudiait une encéphalite au Nord-Vietnam, et on a très vite été sur l'hypothèse infectieuse, sur l'hypothèse virale, et on a mis assez longtemps à s'apercevoir que finalement, on ne trouvait rien de probant, parce qu'en fait, ce n'était pas du tout une origine infectieuse, mais une origine liée à une intoxication liée à la consommation de litchi à un moment donné par des enfants. Donc il faut, dans ces cas-là, ne pas trop se précipiter sur l'une des voies possibles. Il faut les explorer tout en même temps. Et comme chaque jour, vous pouvez retrouver cette information et les études à venir sur notre fil Twitter, @laméthodeFC. Et on passe au bref. Selon une étude publiée ce matin par Santé publique France, la crise sanitaire a eu un effet sur l'obésité et le surpoids des jeunes enfants. Oui, cette étude parue dans le bulletin épidémiologique hebdomadaire a été menée par les services de recherche de la protection maternelle infantile du Val-de-Marne en région parisienne. Les chercheurs ont ainsi pu collecter les données des bilans de santé de près de 50 000 enfants de 4 ans, soit la quasi-totalité des enfants du département. Entre 2020 et 2021, le nombre d'enfants touchés par l'obésité a presque doublé. Le taux d'obésité chez les petits est passé de 2,8% à 4,6%. Le nombre d'enfants surpoids a également augmenté. Alors, plusieurs études à l'étranger ont obtenu des résultats similaires sur cette période. Les auteurs soupçonnent l'impact des mauvaises habitudes alimentaires et de la chute drastique des activités physiques. En bref, toujours, la Station Spatiale Internationale a dû de nouveau faire une manœuvre d'évitement pour esquiver des débris spatiaux. Oui, et ce sont les mêmes débris spatiaux provoqués par l'explosion du satellite russe Cosmos 1408, détruit en novembre dernier par la Russie. Alors que l'ISS accueillait ses premiers touristes spatiaux, la station a dû se placer sur une orbite supérieure à 1,8 km plus haut pour éviter un impact. On estime que l'explosion de Cosmos 1408, un grand satellite de plus de 2200 kg, a généré une grande quantité de débris et qu'ils ne finiront par ralentir ou par se détruire que dans une dizaine d'années. Et enfin, une étude parue dans la revue PLOS ONE nous éclaire sur les usages des plaquettes de pierre gravées par les artistes de la préhistoire. Et une équipe britannique a analysé 50 plaquettes de calcaire qui proviennent du site archéologique de Montastruc, dans le sud de la France. Des pierres de 20 cm de diamètre sur lesquelles sont représentés des animaux ou des humains et qui ont été gravées il y a 23 000 et 14 000 ans par les Magdaléniens, des chasseurs-cueilleurs. Alors, d'une part, les chercheurs apportent la preuve que ces pierres ont été exposées régulièrement à des flammes et d'autre part, grâce à un programme de modélisation 3D et de réalité virtuelle, ils montrent que l'interaction de la pierre gravée et de la lumière du feu rendait les formes gravées dynamiques et vivantes. Les Magdaléniens devaient sûrement se rassembler autour d'un feu pour contempler ces animations rudimentaires. Merci beaucoup, Natacha. On vous retrouve demain pour le prochain Journal des Sciences. Le Soleil représente à lui seul plus de 99% de la masse de l'ensemble du système solaire et sa présence a conditionné, entre autres, l'apparition de la vie sur notre planète. Ce n'est donc pas rien à notre petite échelle de terriens. Pourtant, rapporté à l'immensité de la Voie lactée et de la variété du bestiaire stellaire qui la peuple, les naines jaunes, famille à laquelle appartient le Soleil, ne sont pas les étoiles les plus nombreuses, ni les plus massives, ni les plus grandes ou encore les plus lumineuses. Qu'est-ce qui fait donc leur spécificité? Quelles études leur sont dédiées et quelles importantes sont-elles dans la recherche de systèmes exoplanétaires? Nous aborderons toutes ces questions avec nos invités du jour, Céline Rellet et Éric Lagadec. Mais avant cela, je vous propose d'écouter une archive. On y entend l'astronome Paul Couder qui, en 1949, dis donc, nous parlait d'étoiles. On s'est demandé longtemps quelle était la vérité. Était-ce les étoiles qui lancent du gaz dans l'espace? Le Soleil lance des protubérances et des matériaux divers autour de lui. Alors, on a pu se demander si c'était les étoiles qui avaient garni le vide de matériaux, ou si inversement, c'était la condensation, l'agglomération, la concentration de ces matériaux issus du prétendu vide qui avait engendré les étoiles. Eh bien, c'est cette seconde solution qui est certainement la vraie, du moins elle est tenue pour telle par l'unanimité des astronomes aujourd'hui. C'est au dépens des matériaux cosmiques répandus dans tout l'espace que se sont peu à peu formées les étoiles par condensation, par agglomération du milieu. Alors le processus dialectique de ceci nous donne quoi? Eh bien, les étoiles se sont condensées aux dépens d'une nappe de gaz extrêmement raréfiée. Bon, est-ce qu'on peut aller, Monsieur Couder, encore un peu plus loin? Eh bien, vous savez que les étoiles sont organisées en astres autonomes qu'on appelle les galaxies. Oui. Plusieurs milliards d'étoiles sont groupées en galaxies. Et d'une galaxie à l'autre, il y a le vide. Il y a d'immenses oui. espaces que vous appelez vide et que nous nommons le vide intergalactique. Bon, que sait-on là-dessus? Rien. Non, cette fois, je puis vous dire qu'il y a sans doute encore de la matière d'une galaxie à une autre galaxie, mais que jusqu'à présent, l'astronomie n'a pas réussi à le déceler. Voilà la voix de Paul Couder en 1949. Une réaction à ce que vous venez d'entendre, Éric Lagadec? C'est assez étonnant d'entendre parler de galaxies en 1950, en sachant qu'on les a découvertes en 1930, donc c'était quelque chose de tout récent. Et c'est agréable d'entendre discuter, de voir un petit peu l'histoire de l'astronomie comme ça, racontée avec d'une manière différente qu'on pourrait la faire maintenant. Oui, parce que les progrès ont été considérables depuis cette époque récente. Céline Rellet, une petite réaction également à cette prise de parole de Paul Couder? Oui, aussi la fin sur ces histoires de mélange entre galaxies, c'est quelque chose qui est encore très mal compris et qui était assez visionnaire, j'imagine, à cette époque. Qu'est-ce qu'on savait en 1949, Éric Lagadec, de la formation des étoiles? Est-ce que c'était quelque chose qui était déjà bien compris, bien saisi, bien observé? En fait, on pensait, on avait des explications plus ou moins théoriques, on pensait que le gaz s'effondrait, que ça allait former des étoiles, mais ça avait encore jamais été observé. Et c'est ça vraiment qui a changé depuis, c'est que tout ce qui était à la limite des espérances de pensée jusque-là, c'est devenu des observations concrètes. Maintenant, on arrive à voir ces observations, ces formations d'étoiles, et ça a beaucoup changé depuis grâce à ça, grâce aux techniques d'observation. Céline Rellet, est-ce que, alors j'évoquais en introduction de cette émission le fait que la Voie lactée comportait tout un bestiaire assez varié d'étoiles, il y a toute une typologie qui est assez complexe, même de familles d'étoiles. Est-ce qu'on peut déterminer quand même des caractères communs à l'ensemble de ces étoiles qu'on parle de supergéantes bleues, de naines rouges, de naines brunes, de naines jaunes? Alors, les naines brunes ne sont pas des étoiles. Bon, voilà, premier échec. Je dirais le point commun de tous ces astres, enfin des étoiles, c'est qu'elles ont, à un moment donné, fusionné de manière assez stable, assez longue, de l'hydrogène en leur cœur. Donc l'hydrogène fusionne pour donner de l'hélium et c'est ce qui fait ce qui produit une quantité colossale d'énergie qui fait briller l'étoile. Alors après, quand on est au stade des géantes, c'est des étoiles qui ont un peu évolué, donc c'est d'autres réactions nucléaires qui ont lieu au cœur de ces astres, mais c'est vraiment, je dirais, la définition de l'étoile, c'est un astre, donc une boule de gaz, qui a une température de plusieurs millions de degrés au cœur qui permet de démarrer la fusion d'hydrogène en hélium. Ce qui du coup n'est pas le cas des naines brunes. Donc les naines brunes n'ont pas le droit à l'appellation étoile. L'étoile ratée, s'il vous plaît. Oui. Éric Lagadec, donc toutes les étoiles sont d'une certaine façon des réacteurs thermonucléaires. Ce qu'évoquait Céline Rellet, c'est qu'elles évoluent, c'est qu'elles ont une naissance, une vie, une mort. Comment est-ce que, avec ce caractère de cette mutabilité, on va dire, des étoiles, on va les caractériser et quelle grande classe d'étoiles on peut identifier d'ores et déjà? Il y a plusieurs façons de les classifier. Le truc standard, c'est de les classer en fonction de leur température et de la luminosité. Comme ça, on va pouvoir voir qu'il y a des étoiles plus ou moins brillantes, des géantes, des naines. Et après, en les classant selon leur température, on va pouvoir voir différentes caractéristiques. Et grâce à ça, on a pu se rendre compte que les étoiles évoluaient principalement en fonction de leur masse. Donc la chose qui va faire qu'une étoile, deux étoiles évoluent différemment, c'est leur masse. Une étoile qui est très massive va évoluer beaucoup plus rapidement qu'une étoile de faible masse. Et ça a été un long travail pour réussir à comprendre ça et à classifier justement ces étoiles. Est-ce que, Céline Rellet, on a une typologie établie? Est-ce qu'on peut déjà mettre sur la table les grandes familles d'étoiles, histoire qu'on s'y retrouve un petit peu tout à l'heure quand on parlera de naines jaunes? Oui, alors bon, on utilise beaucoup ce qu'on appelle le type spectral, donc qui est vraiment relié à la température, à la surface de l'étoile et aussi du coup à la couleur de l'étoile, même si on verra qu'en fait les étoiles ne sont pas si colorées que ça. Et donc cette classification qui a été faite au début du siècle, la classification d'Harvard, est classifiée donc avec des lettres de l'alphabet qui sont O, B, A, F, G, K, M. Et donc les O étant les plus chaudes et les M étant les plus petites et les plus froides. Et ensuite, on a cette classification en fonction de la luminosité en naine, géante, supergéante, hypergéante, dont Eric a parlé. Est-ce qu'on peut situer, par exemple, le Soleil dans cette classification? Alors, cette classification d'Harvard, je crois qu'elle se précise aussi parce qu'il y a un chiffre arabe qui va de 0 à 9 qui est ajouté pour préciser la température dans chacune des catégories. Arrêtez-moi si je me trompe. Et puis, il y a un chiffre romain qui va de 1 à 5 pour là préciser plutôt la taille. Du coup, où est-ce qu'on situe le Soleil et quelle est la famille d'étoiles, à quelle famille d'étoiles appartient le Soleil selon cette classification-là? Donc c'est une G2-5. Donc G2, c'est le type spectral et le 5, c'est le symbole latin pour romain, le chiffre romain pour naine. Éric Lagadec, si on revient un petit peu à la genèse des étoiles, est-ce que toutes les étoiles naissent de la même façon ou bien est-ce que, et d'une certaine façon, est-ce que la famille d'appartenance de ces étoiles dépendra de leur naissance? Expliquez-nous un petit peu ce processus de formation et son importance sur l'évolution future des étoiles. Déjà, il faut savoir qu'on ne sait pas tout, c'est-à-dire que depuis quelques décennies, on vit vraiment une révolution, on arrive à voir la formation des étoiles, donc on sait que les étoiles se forment par un effondrement gravitationnel, c'est-à-dire que sous l'effet de leur masse, d'immenses nuages de gaz et de poussière vont se contracter, et ils vont se contracter tellement que les atomes qui sont en leur cœur vont se rapprocher, jusqu'à fusionner. Donc là, les atomes d'hydrogène vont fusionner pour donner de l'hélium. Et ce qui est intéressant, c'est de se rendre compte que la masse des étoiles qu'on va former, elle semble être à peu près pareille dans tout l'univers, c'est-à-dire que la distribution de masse, on va former plutôt des étoiles de faible masse. Donc si on prend un grand nuage de gaz, on va former beaucoup d'étoiles de faible masse et très peu d'étoiles massives. Donc typiquement, on va former, si on prend un grand nuage de gaz et qu'on forme des étoiles, 90% des étoiles environ, ou un peu moins, devraient être moins massives que le Soleil. Il y a des pouponnières d'étoiles également. Alors expliquez-nous un petit peu ce principe-là et ce qui fait que une fois que les étoiles vont être formées, elles vont soit cohabiter, il y aura des systèmes binaires, soit être solitaires. Expliquez-nous un petit peu comment ça marche. Ce qui se passe, c'est que donc on a ces énormes nuages de gaz qui sont principalement de gaz et de poussière, donc principalement dans le plan de la Voie lactée. Et on peut voir, il y a par exemple la Carène qui est assez connue, où on peut voir des grandes formations, des étoiles qui s'effondrent, des nuages de gaz qui s'effondrent, et ces étoiles qui se forment comme ça. Et les propriétés vont dépendre de l'environnement, de la vitesse de tout ça. C'est encore assez complexe. On comprend pas très bien exactement comment ça va se former, mais on sait que plus de la moitié des étoiles se retrouvent du coup dans des systèmes doubles. Donc le Soleil qui est une étoile solitaire, c'est quelque chose de plutôt rare. Plutôt rare, justement. Ben justement, puisqu'on parle du Soleil, on va parler des Soleils, ce sera juste après ça. France Culture, la méthode scientifique, Antoine Beauchamp. Nous parlons tout au long de cette heure des étoiles de type solaire, ces jumelles ou quasi-jumelles de notre étoile qui trône au centre de notre système planétaire. Éric Lagadec, sur ce tableau un petit peu de classification des étoiles, est-ce qu'on peut situer les étoiles de type solaire? Quelles sont leurs caractéristiques communes à ces naines jaunes, comme on les appelle de façon un petit peu aisée? Pour moi, la façon la plus claire de définir ces étoiles, c'est dire que c'est des étoiles de type G, donc ça donne à peu près leur température, mais surtout dire qu'elles sont sur la séquence principale. Alors la séquence principale, ça veut dire qu'elles sont en train de fusionner dans leur cœur de l'hydrogène pour transformer ça en hélium. Et il faut savoir que pendant 90% de leur vie, c'est ce que vont faire les étoiles. Donc ça va durer plus ou moins longtemps selon la masse, donc les étoiles plus massives, ça va le faire moins longtemps. Mais le Soleil, ça fait 5 milliards d'années qu'il est sur la séquence principale et qu'il transforme de l'hydrogène en hélium. Donc chaque seconde, 600 millions de tonnes d'hydrogène sont transformées en 596 millions de tonnes d'hélium. Pas besoin de faire beaucoup de maths pour se rendre compte qu'on perd 4 millions de tonnes. Et ces 4 millions de tonnes, si on prend la formule de E égale MC2, on se rend compte que ça produit de l'énergie. Donc la masse, c'est 4 millions de tonnes. C, la vitesse de la lumière au carré, ça fait 300 000 km par seconde au carré. Vous prenez ça, ça fait énormément d'énergie. C'est l'équivalent de plusieurs milliards de bombes atomiques qui sont produites chaque seconde dans le Soleil. Et c'est ce qui se fait depuis 5 milliards d'années. Et il va le faire encore pendant 5 milliards d'années. Et ce qui est très étonnant, Céline Rélé, c'est que parmi... Donc là, on a des quantités énormes d'énergie qui sont produites par le Soleil, mais les étoiles de type solaire ne sont pas les plus énergétiques, ne sont pas d'une certaine façon les plus impressionnantes. Ce sont des étoiles plutôt moyennes à l'échelle des familles stellaires. Oui, c'est des étoiles moyennes et d'ailleurs la plupart des étoiles que l'on peut voir dans le ciel, qu'on voit à l'œil nu, sont des étoiles beaucoup plus grosses et beaucoup plus lumineuses que le Soleil. Même si c'est des étoiles beaucoup plus rares, c'est elles qui dominent en termes de luminosité sur la voûte céleste. Le Soleil est effectivement une étoile moyenne. parmi les 160-180 milliards de notre galaxie. Une question un petit peu enfantine, à quoi est-ce qu'on doit l'éclat jaune du Soleil et des étoiles de type solaire? Alors, en fait, je dirais que le Soleil n'est pas une étoile jaune. D'ailleurs, quand on regarde le ciel à nouveau, les étoiles, elles sont blanches. Pour la plupart, et après, il y a quelques cas un peu extrêmes, les étoiles les plus chaudes, comme Rigel, qui sont plutôt un peu bleutées, ou d'autres comme Betelgeuse qui sont plutôt un peu orangé et rouge. Donc c'est vraiment les extrêmes, les étoiles chaudes pour les bleus et très froides pour les rouges. Mais la lumière du Soleil, c'est en fait une lumière blanche, et si on regarde en dehors de l'atmosphère terrestre, depuis la Lune ou depuis la Station Spatiale Internationale, c'est une étoile qui a une couleur blanche, et c'est une lumière blanche, et non pas, donc c'est pour ça que l'appellation naine jaune n'est pas très correcte en fait pour la plupart des étoiles. En fait. Alors, on va la délaisser, cette appellation, en plein chemin, après avoir intitulé notre émission en lien avec les naines jaunes, mais bon, ça restera un titre. Éric Lagadec, si on doit établir un petit peu la chronologie de vie d'une étoile de type solaire et notre Soleil dans tout ça, voilà, quel est le parcours type? Comment ça naît, comment ça vit, comment ça meurt, une étoile de type solaire? Donc, comme je le dis tout à l'heure, ces étoiles se forment dans d'immenses nuages de gaz, donc sous l'effet de gaz et de poussière. Sous l'effet de la gravitation, ça va se concentrer vers le cœur. Dans le cœur, on va avoir des réactions nucléaires. On va transformer de l'hydrogène en hélium. Le Soleil fait ça depuis 5 milliards d'années. Dans 5 milliards d'années, du coup, dans le cœur, il n'y aura plus que de l'hélium. Et c'est ce qu'il faut, en fait, si vous voulez vraiment comprendre l'évolution d'une étoile, il faut fermer les yeux et s'imaginer quelque chose. C'est que d'un côté, on a la gravité qui pousse vers le centre. Et au centre, on a des réactions nucléaires qui poussent dans l'autre sens. Donc on a ce qu'on appelle la pression nucléaire qui fait qu'on a un équilibre dit hydrostatique entre la gravitation et les réactions de fusion nucléaire. Donc à chaque fois qu'on va arrêter ces réactions de fusion nucléaire, l'étoile va se contracter. Mmh. Elle va se réchauffer. Et du coup, on va brûler petit à petit des éléments de plus en plus lourds. Donc le Soleil, ensuite, il va commencer à brûler de l'hydrogène autour de ce cœur qui va être rempli d'hélium. C'est dans 5 milliards d'années, ça va être une géante rouge. Puis ensuite, il va commencer à fusionner l'hélium. On aura ce qu'on appelle un flash de l'hélium. Il va passer sur ce qu'on appelle la branche horizontale. Et ce qui est assez étonnant, c'est que le cœur va se contracter. Mais comme la surface va se réchauffer, ça va pousser le gaz et l'étoile va devenir de plus en plus grande. Elle va devenir une géante rouge. Elle va redevenir même une géante rouge pour une deuxième fois. Elle va s'appeler une étoile AGB, pour Asymptotic Giant Branch en anglais. C'est les étoiles que j'étudie depuis presque 20 ans maintenant. Et ensuite, donc, ces étoiles, elles vont former une énorme enveloppe de gaz et de poussière. C'est là que se forme la fameuse poussière d'étoiles, on entend tous parler, quand on dit nous sommes des poussières d'étoiles, c'est autour de ces géantes rouges. La poussière va absorber le rayonnement de l'étoile et partir en expansion, donc elle va commencer à s'échapper de l'étoile. Elle va entraîner le gaz avec elle, l'étoile, elle va se contracter comme il n'y a plus de réaction nucléaire. Comme elle se contracte, elle se réchauffe. Et comme elle se réchauffe, le rayonnement de l'étoile va exciter tout le gaz autour et ça va former une magnifique nébuleuse planétaire qui n'a rien à voir avec des planètes, c'est juste une étoile mourante avec du gaz qui ionise, qui forme de belles couleurs. D'ailleurs, je vous invite vraiment à regarder des images de nébuleuses planétaires. Pour moi, ce sont les images les plus extraordinaires qu'on puisse voir dans notre galaxie. C'est fabuleux et vous nous en régalez souvent sur Twitter d'ailleurs. Parlons un petit peu, Éric Lagadec, de cette phase de géante rouge. Qu'est-ce qui se passera en termes de pour le système solaire à ce moment-là et les planètes qui sont au voisinage du Soleil à ce moment-là? C'est pas encore très clair parce que c'est assez compliqué à modéliser, mais les derniers modèles montrent qu'au moment où le Soleil deviendra une géante rouge, assez rapidement, Mercure et Vénus se font avaler, donc ils passent vraiment dans l'étoile. Pour Mars et le Soleil, c'est un petit peu plus compliqué. Suivant les modèles, on est soit juste au bord, mais quoi qu'il arrive, il va faire très chaud, et il faut savoir que déjà, dès dans un milliard d'années, donc le Soleil va devenir une géante rouge dans un peu plus de 5 milliards d'années, mais dans un milliard d'années, il fera tellement chaud qu'il y aura déjà plus d'océan sur Terre. Donc, on va avoir le Soleil qui va devenir une géante rouge. La Terre, à la fin de la phase géante rouge, elle devrait se faire avaler. Donc, la Terre disparaîtra, quoi qu'il arrive, dans à peu près 6-7 milliards d'années. Et ensuite, on aura donc ce gaz qui va être ionisé, qui te formera un beau spectacle. Mais malheureusement, il n'y aura certainement plus personne pour le regarder. En termes de durée, c'est cette phase de géante rouge par rapport à toute la phase telle qu'on la connaît actuelle. Ça durera combien de temps? C'est beaucoup plus court, faut dire que la phase actuelle dure à peu près 90% de l'évolution, donc la phase qui reste, toutes les phases qui restent dureront seulement 10% de la vie, donc même pas un milliard d'années, enfin même pas ça. Ça reste beaucoup de temps, évidemment, quand je dis des temps courts, un milliard d'années c'est long, mais certaines phases ont duré juste quelques centaines de milliers d'années. Ce qui est intéressant, Céline Rélé, c'est que parmi les autres types d'étoiles qu'on connaît, celles qui sont les plus petites, les plus froides, ont des durées de vie très très longues. Je crois que elles sont estimées à plusieurs centaines de milliards d'années. Alors bien sûr, on est trop jeune pour pouvoir confirmer ces âges-là, mais voilà, expliquez-nous un petit peu ce rapport entre taille et durée de vie chez les étoiles. C'est effectivement un rapport entre la masse et la luminosité. Donc on peut calculer quelle proportion d'hydrogène, de carburant est consommée pour produire la lumière qui est émise. Et donc ces petites étoiles, elles sont beaucoup moins gourmandes en fait que les grosses étoiles. Donc elles brillent beaucoup moins. Elles ont beaucoup moins de carburant, mais elles brillent beaucoup, beaucoup moins. Et donc elles peuvent durer bien plus longtemps que des étoiles de type OBA, par exemple. Et effectivement, leur durée de vie est plus grande que la vie de l'univers. Donc, ces étoiles n'existent pas sous forme évoluée après 14 milliards d'années dans l'univers. Éric Lagadec, vous évoquiez tout à l'heure le fait que notre galaxie est une galaxie active, qu'elle produit encore des étoiles. Parmi dans cette production d'étoiles-là, est-ce qu'on a une idée aujourd'hui, une estimation de la proportion d'étoiles de type solaire qui sont produites, on va dire, chaque année? Est-ce qu'il y a là-dessus des statistiques envisageables? En fait, ce qu'on sait, c'est que c'est plus ou moins universel dans l'univers. C'est débattable, mais les observations semblent montrer que chaque fois qu'un nuage de gaz s'effondre pour former des étoiles, il va former 90% d'étoiles moins massives que le Soleil. Donc le Soleil, c'est au maximum 10% des étoiles formées, même il y en aura moins parce qu'il y aura quelques étoiles plus massives aussi qui seront formées. En termes de quantité d'étoiles de type solaire identifiées dans notre Voie lactée, Céline René, est-ce que on a une idée là aussi, est-ce qu'on a une estimation du nombre de jumelles du Soleil dans notre galaxie? Alors en quantité de formation, je vais juste rajouter un petit point sur la formation. On estime que c'est à peu près une masse solaire par an qui est formée dans notre galaxie. Mais évidemment, c'est pas une étoile de type solaire par an, c'est beaucoup plus d'étoiles plus petites que le Soleil. Et en quantité, alors évidemment, ça dépend de quoi on parle. Si on parle des étoiles disons de type G, au sens large, on va peut-être avoir une étoile sur 10 ou un peu moins d'une étoile sur 10 dans la Voie lactée. Si on parle maintenant des étoiles de type G2, on va vraiment tomber. Donc G2 qui est le même type spectral que le Soleil et une naine, donc G2-5. Donc là, on va être à quelques étoiles sur 1000. Éric Lagadec. Pardon, Céline René. Éric Lagadec, à partir de ces estimations-là, comment on va observer des étoiles de type solaire et avec quelle certitude on va pouvoir en identifier? En gros, est-ce que c'est juste en étudiant leur rayonnement qu'on va pouvoir dire cette étoile est une étoile de type solaire, est une jumelle du Soleil? En fait, ça dépend de ce qu'on cherche. Si on veut vraiment juste voir la couleur, il suffit de prendre un spectre, d'avoir une idée des raies qu'on observe. Mais si on veut vraiment chercher des jumelles du Soleil, c'est ce qu'ont fait des collègues à Nice. Je parlais avec lui hier, c'est Patrick de Laverny notamment qui a travaillé là-dessus. Ils ont analysé plus de 300 000 spectres à haute résolution. Donc c'est des spectres où on voit vraiment beaucoup, beaucoup de raies. Et l'idée, c'était de chercher les étoiles les plus proches possibles du Soleil. Et ils en ont trouvé pas mal. Parce que l'idée, c'est que le Soleil, a priori, s'est formé dans un nuage avec plusieurs centaines au moins d'autres étoiles. Donc on devrait avoir ces jumelles du Soleil qui sont formées dans le même nuage de gaz que le Soleil. Donc ça, c'est plus compliqué à trouver qu'une étoile G, tout simplement. Mais ils en ont trouvé. Et ils ont trouvé des étoiles qui ressemblent vraiment beaucoup au Soleil et qui sembleraient s'être formées dans le même nuage de gaz il y a 5 milliards d'années. Céline Rellet, autre question. Est-ce que toutes les étoiles de type solaire trônent à la façon de notre Soleil au milieu d'un système planétaire ou bien pas du tout? Alors, on ne sait pas. Ce qu'on voit, c'est qu'il y a effectivement, on découvre beaucoup de systèmes planétaires autour d'autres étoiles, donc c'est des exoplanètes, mais c'est des détections qui sont assez difficiles à faire. Donc, à l'heure actuelle, c'est difficile de dire si une étoile n'a pas de planète parce qu'elle n'en a pas ou parce qu'elle n'est pas détectable avec l'instrumentation actuelle. Oui, on en parlera bien sûr tout à l'heure de ces détections d'exoplanètes grâce justement à leur transit devant les étoiles. Je voulais rajouter quelque chose sur l'histoire d'étoiles jumelles. Donc c'est un terme en anglais, solar twins, qui a été défini dans les années 80, qui sont donc ces jumelles du Soleil en français, ont les mêmes propriétés physiques que le Soleil, c'est-à-dire même masse, température, rayon, rotation, activité, composition chimique, etc. Donc ce qui donne le même spectre. Et comme le disait Eric, ça ne veut pas forcément dire qu'elles sont formées au même endroit à partir du même nuage moléculaire que le Soleil, qui celles-là s'appellent les siblings ou sœurs, donc définies en 2015. Mais cette fois-ci, Donc, ce qui veut dire en fait que les jumelles ne sont pas forcément, ce qu'on appelle les jumelles ne sont pas forcément des sœurs du Soleil, puisqu'elles ne sont pas forcément nées à partir du même nuage moléculaire, et qu'au contraire, ce qu'on appelle les sœurs du Soleil ne sont pas forcément des étoiles de type solaire, parce qu'il y a des étoiles qui sont formées en même temps que le Soleil et qui ne sont pas des soleils. Éric Lagadec, du coup, la chose se complique. Est-ce qu'on cherche du mauvais côté en cherchant du coup des sœurs, des jumelles? Est-ce qu'on est héliocentré, je ne sais pas comment le dire, en cherchant des jumelles à tout prix à notre Soleil? Ça dépend ce qu'on veut faire, parce que il y a différentes raisons d'étudier les étoiles. La première, qui est celle, la mienne, et je pense celle de Céline aussi, c'est pour comprendre comment ces étoiles évoluent. Donc c'est intéressant aussi de voir comment les étoiles qui sont nées dans le même nuage que le Soleil ont évolué, et voir comment les différents paramètres, la composition du gaz notamment dans lequel ces étoiles se sont formées, ça aura une influence sur l'évolution des étoiles. Mais bien évidemment, je pense que la plupart des auditeurs et vous-même, si quand on parle de Soleil et d'études d'autres étoiles comme le Soleil, ce que beaucoup de gens recherchent, c'est de trouver potentiellement une planète comme la Terre qui tourne autour d'un autre Soleil, et pourquoi pas un jour la vie, évidemment. Donc ça, c'est quelque chose qui est... Si on cherche la vie, il y a peut-être différentes façons d'aboutir à la vie, mais actuellement, on sait qu'il y a on n'en connaît qu'une, c'est sur la Terre. Donc si on cherche des choses similaires, peut-être qu'on aura des chances, plus de chances de trouver de la vie. Justement, on s'y emploie à chercher d'autres jumelles de la Terre et des jumeaux et des jumelles du Soleil. On en parlera tout à l'heure, ce sera juste après ça. Kelly Watch the Stars par Air dans la méthode scientifique sur France Culture. Nous parlons tout au long de cette heure des étoiles de type solaire et nous en parlons avec Céline Rellet, astronome à l'Institut Utinam à l'Université de Franche-Comté. Avec nous également Éric Lagadec, astronome adjoint au laboratoire Lagrange de l'Observatoire de la Côte d'Azur et président de la Société française d'astronomie et d'astrophysique. Alors on va poursuivre notre enquête sur les étoiles de type solaire. Pour pouvoir déterminer l'âge de notre étoile et de toutes les étoiles de type solaire, nous avons recours à une méthode, l'astérosismologie, et c'est le sujet du reportage du jour. Bonjour Alexandra Delbault. Bonjour Antoine. Pour ce reportage, vous vous êtes rendue à l'université Paris Sciences et Lettres. Oui, j'ai rencontré Claude Catala, chercheur à l'Observatoire de Paris, université PSL. Alors l'astérosismologie, c'est l'étude des oscillations, c'est-à-dire de la propagation d'ondes acoustiques à l'intérieur des étoiles. Cela nous permet de mesurer la composition chimique de l'intérieur des étoiles, et ainsi de déterminer leur âge et donc de comprendre dans quel moment de leur vie elles se trouvent. On peut dire que l'on écoute un peu la musique des étoiles. Claude Catala a travaillé sur deux projets de télescopes consacrés en partie à l'astérosismologie. D'abord Coro, qui a terminé sa mission en 2012, et Plateau, qui sera lancé en 2026. L'astérosismologie, c'est l'étude des oscillations des étoiles. Donc en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que les étoiles, toutes les étoiles, y compris le Soleil, sont animées de mouvements d'oscillation. Et ces oscillations sont le résultat de la propagation d'ondes acoustiques à l'intérieur des étoiles. Voilà. Et donc ce qu'on voit, c'est simplement le résultat de ces propagations d'ondes acoustiques à la surface de l'étoile, qui se traduisent par des toutes petites variations de température, mais vraiment très très faibles. Et ces variations de température induisent à leur tour des petites variations de brillance à la surface de l'étoile. Alors très faibles encore, c'est de l'ordre du millionième. Et alors c'est très intéressant de pouvoir détecter et mesurer ces oscillations parce qu'elles nous permettent de sonder la structure à l'intérieur des étoiles. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que quand on observe une étoile, eh bien on ne voit que la surface, mais ça ne nous renseigne pas directement sur les propriétés de l'intérieur. Pour avoir des mesures plus précises et plus sûres, il nous faut sonder directement l'intérieur des étoiles. Alors on peut peut-être faire une analogie avec quelque chose de très classique, c'est lorsque vous écoutez un instrument de musique, vous pouvez deviner de quel instrument il s'agit sans même le voir, parce que tout simplement votre oreille a enregistré des harmoniques des notes que vous avez entendues, et vous avez pu déduire les propriétés de la caisse de résonance dans laquelle cette note a été produite, si vous voulez. Et donc c'est un petit peu pareil, en analysant les fréquences des oscillations des étoiles, donc ce sont les fréquences des ondes acoustiques qui se sont propagées à l'intérieur de l'étoile, on arrive à en déduire les propriétés de l'intérieur de l'étoile. Alors ces propriétés, c'est la température, la pression, la composition chimique, la rotation. Voilà, on arrive à mesurer tout ça à l'intérieur de l'étoile jusqu'au cœur de l'étoile. Et ça, c'est extrêmement important parce que ça nous permet d'abord de mesurer de manière très précise la masse, le rayon et même l'âge de l'étoile. En fait, les étoiles, comme le Soleil, mais toutes les étoiles, évoluent. Elles naissent, elles évoluent et puis elles meurent. Et donc on s'intéresse énormément à la manière dont cette évolution se produit. Pour faire ça, on est obligé de prendre des ensembles d'étoiles représentant différentes phases de cette évolution et les comparer entre elles. Hein? Mais pour ça, il faut savoir dans quelle phase d'évolution est chaque étoile. Et donc il faut pouvoir mesurer son âge. Voilà. Parce que pendant la vie d'une étoile, l'étoile va produire de l'hélium dans son cœur, elle va transformer de l'hydrogène en hélium par des réactions thermonucléaires. Et donc plus une étoile est vieille, plus elle a transformé d'hydrogène en hélium, et donc plus elle va contenir d'hélium. Donc en mesurant la composition chimique grâce à l'astérosismologie, on peut déduire l'âge de l'étoile. Et donc les classer, toutes ces étoiles, en fonction de leur âge, et étudier leur évolution de cette manière-là. C'est extrêmement important, et seule l'astérosismologie nous permet de le faire. Et le sondage d'intérieur stellaire, donc sur l'objectif principal de certains satellites, notamment Coro, qui a fini sa mission en 2012, puis Plateau, qui va être lancé normalement, on l'espère, en 2026. Quels ont été l'apport de cette première mission et ce que l'on attend de la seconde? Il faut bien comprendre la difficulté que représente la détection et la mesure de ces oscillations stellaires, donc avec des amplitudes extrêmement faibles. Le problème donc, pour détecter ces oscillations, le problème c'est l'atmosphère de la Terre. Donc ces oscillations avec des amplitudes de 10^-6, enfin un millionième si vous préférez, eh bien pour les détecter, on est gêné par la turbulence de l'atmosphère de la Terre, qui produit ce qu'on appelle de la scintillation, qui induit donc un bruit dans les données qui est largement supérieur à ce signal qu'on cherche à détecter. D'où la nécessité d'aller faire ces observations depuis l'espace. Alors CORO, donc, ça veut dire convection, rotation et transit planétaire, est une petite mission, principalement française, lancé donc en 2006. Et Corot a permis pour la première fois de détecter et de mesurer précisément les oscillations, les fréquences d'oscillation d'étoiles de type solaire pour à peu près une douzaine de ces étoiles. Voilà. Corot a été suivi en 2009 par une mission de la NASA américaine qui s'appelait Kepler et qui était plus élaborée, on va dire, que Corot. Elle avait un télescope de 1 mètre de diamètre, un champ de 100 degrés carrés. Et elle a permis d'observer quelques centaines à quelques milliers d'étoiles, d'observer les oscillations de quelques centaines à quelques milliers d'étoiles. Alors on a fait énormément de progrès grâce à ces deux missions. On a pu d'abord vérifier que oui, on était bien capable de mesurer les oscillations stellaires. On était capable de mesurer leur fréquence, mais aussi d'identifier de quel mode d'oscillation il s'agissait à chaque fois qu'on faisait des observations. Et on a commencé à faire des progrès vraiment significatifs sur la compréhension des mécanismes physiques qui ont lieu à l'intérieur des étoiles. Et puis alors on en arrive maintenant à l'avenir, donc PLATO, ça veut dire Planetary Transits and Oscillations. La particularité de PLATO, c'est de se focaliser sur des étoiles brillantes, de manière à pouvoir à la fois détecter des planètes qui vont passer devant, mais aussi faire de l'astérosismologie sur les mêmes étoiles. Et ça, ça va nous permettre, pour la première fois, d'étudier ensemble les étoiles et leur cortège planétaire. Donc on va étudier finalement des systèmes planétaires de manière globale, en essayant de comprendre la distribution des planètes en fonction de l'âge des étoiles et les étudier en fonction de leur état d'évolution aussi, voir des systèmes jeunes et des systèmes moins jeunes et des systèmes vieux, si vous voulez. De cette manière-là, grâce à cette mesure de l'âge des étoiles hôtes de nos planètes que nous allons obtenir grâce à l'astérosismologie. Voilà pour ce reportage avec Claude Catala. Une réaction à ce que vous venez d'entendre, Céline Rellet ? Eh ben, tout est très bien dit. Hein. L'astérosismologie, c'est vrai que c'est quelque chose qui révolutionne un peu notre connaissance des étoiles, puisque voilà, on arrive à aller voir à l'intérieur de cette étoile, ce qui est complètement inaccessible, ne serait-ce qu'en observant la lumière qui elle est émise à partir de la photosphère, donc les couches superficielles de l'étoile. Et donc il y a le fait aussi que ces grands observatoires, ils servent à la fois l'étude de l'étoile, de bien comprendre l'étoile, son évolution, et aussi avoir une idée de l'âge de l'étoile, qui est quelque chose de très très difficile à faire, qui repose beaucoup sur les modèles d'évolution. Et aussi donc toute cette découverte d'exoplanètes, puisqu'en fait c'est un peu le même type d'observation qui arrive à la même chose, c'est la détection de diminution de brillance très très faible, de variation de brillance très faible, soit par ces oscillations, soit parce qu'une planète passe devant le disque de l'étoile et va diminuer un peu par effet d'éclipse sa luminosité. Donc c'est vraiment des missions qui vont, je pense, un peu révolutionner notre connaissance à la fois des étoiles et des systèmes planétaires. Mmh. Éric Lagadec, une réaction également au propos de Claude Catala ? Ben déjà, c'était très clair, très intéressant, et j'ai la sensation de vivre un petit peu une révolution, parce que quand j'ai commencé à faire de l'astronomie il y a 20 ans maintenant, on parlait d'héliosismologie, c'est-à-dire que la sismologie, la seule étoile sur laquelle on pouvait le faire, c'était le Soleil. Et maintenant, on arrivait à le faire sur des étoiles, on le fait sur de plus en plus d'étoiles. Et c'est aussi important de rappeler, c'est ce que disait Claude, je pense que il y a beaucoup de ces missions, comme Kepler par exemple, on entend beaucoup parler de la détection d'exoplanètes, mais pour moi, et je pense que pour Céline aussi, c'est important, et pour l'astronomie en général, d'étudier les étoiles, parce qu'en fait, les planètes qu'on étudie, elles sont autour d'étoiles, et si on veut vraiment bien comprendre les planètes, il faut comprendre les étoiles autour desquelles elles sont. Mmh. Céline Rellet, à ce titre, vous participez également à une mission, on a entendu parler de la mission Corot, de la mission PLATO à venir, vous participez, vous, à une mission qui s'appelle Gaïa. En quoi est-ce que cette mission-là, justement, peut nous en apprendre plus sur les étoiles en général ? Donc ça, c'est une autre mission révolutionnaire, Gaïa. Donc c'est une mission astrométrique dans le sens où son but premier, c'est de mesurer précisément les positions, les mouvements des astres et aussi leur distance par l'effet de la parallaxe, donc la distance sur la ligne de visée, pour faire une cartographie en trois dimensions de la Voie lactée. Donc là, le but, c'est vraiment d'avoir une meilleure idée de la structure de la Voie lactée, de quel type d'étoile elle contient et comment elle évolue. Et à côté de ça, il y a plein d'autres thématiques astrophysiques que cette mission va servir. Donc Gaïa produit un catalogue de presque 2 milliards d'étoiles avec des données très précises, donc 1% des étoiles dans la Voie lactée. ce qui est en fait énorme et sans précédent. Mmh. Éric Lagadec, si on en revient un petit peu à notre sujet, aux étoiles de type solaire, vous parliez tout à l'heure de cette impression de vivre une révolution dans le cadre de vos recherches. Il y en a une qui est en cours là avec ces missions comme Parker Solar Probe, Solar Orbiter, qui se rapproche pour la première fois très très près du Soleil. Là aussi, qu'est-ce qu'on peut attendre de ce type d'observation à grande proximité du Soleil et comment est-ce qu'on peut éventuellement extrapoler les informations qu'on retirera de notre Soleil à d'autres étoiles de type solaire? Là, je suis pas un grand spécialiste, mais l'idée, c'est de mieux comprendre justement l'activité solaire, mieux comprendre comment s'est formée la couronne solaire, ces activités qui sont dues notamment au champ magnétique du Soleil. Et donc, évidemment, avoir cette sonde qui est en train de se rapprocher comme on n'a jamais fait, c'est que là, elle vient de traverser des endroits qui étaient à des millions de degrés, et elle s'approche petit à petit du Soleil, et elle va nous apprendre vraiment nous offrir quelques secrets de cette étoile qui est notre étoile, et on va mieux comprendre le Soleil, et en comprenant mieux le Soleil, évidemment, on comprendra mieux les étoiles en général. Mmh. Éric Lagadec, du coup, sur ces autres étoiles de type solaire qui sont un petit peu sous les radars des astrophysiciens, des astronomes, est-ce que vous voyez des étoiles à mentionner en particulier, certaines candidates qui attirent particulièrement l'attention des scientifiques? Avant de parler de candidates, il y en a une qui est assez emblématique, je pense, qui est une étoile qui s'appelle 51 Pegasi. Donc c'est une étoile très connue parce que c'est en 1995, c'est pour la première fois, on a trouvé une planète autour d'une étoile similaire au Soleil, et c'était celle-là. Et ça a un petit peu révolutionné notre façon de comprendre la formation du système solaire, parce que jusque-là, on pensait que les planètes étaient là où elles s'étaient formées, c'est-à-dire qu'on a les petites planètes telluriques donc, avec des cailloux qui se trouvent dans la partie interne, et les planètes gazeuses qui se trouvaient plus loin. Et là, on a trouvé une planète autour d'une étoile semblable au Soleil. La planète, elle ressemblait à Jupiter. Elle faisait tout le tour de son étoile en 4 jours. C'est ce qu'on appelle un Jupiter chaud. Et on s'est rendu compte qu'en fait, les planètes migraient. Elles n'étaient pas forcément là où elles s'étaient formées. Et ça a vraiment changé notre façon de comprendre la formation des planètes. Et surtout, c'était la première détection autour d'une autre étoile que le Soleil. Une étoile similaire au Soleil, et depuis on en a trouvé plus de 5000. Et on sait que quasiment toutes les étoiles de notre Voie lactée ont au moins une planète autour d'elles. Donc statistiquement, on sait qu'il y a des centaines de milliards de planètes autour d'étoiles dans notre galaxie. Et donc pour moi, cette étoile est vraiment emblématique, même si elle a certainement rien de particulier, mais c'est juste que c'est la première étoile du type solaire pour laquelle on a trouvé une planète. Et on l'avait évoqué justement avec Alessandro Morbidelli pour parler du modèle de Nice, et justement de cette compréhension revue au début des années 2000 de la formation des systèmes solaires. Céline Rélé, concernant, donc là on a parlé de Pégase B qui est emblématique puisqu'elle nous a mis quand même sur la piste des exoplanètes. On peut peut-être rappeler justement le rôle clé qu'ont les étoiles, alors pas forcément les étoiles de type solaire, mais les étoiles pour observer les exoplanètes, par quelle méthode on les observe? Alors, il y a la méthode qui a permis la découverte de 51 PEG-B, c'était ce qu'on appelle la vitesse radiale. Donc, en fait, on observe très peu de planètes de manière directe. Hein. C'est peut-être une vingtaine, peut-être enfin, quelques dizaines de planètes pour lesquelles on a vraiment une image, avec vraiment des techniques de pointe, ce qu'on appelle de l'optique active ou adaptative qui permet d'avoir des images très très piquées, mais la plupart des planètes sont découvertes de manière indirecte sur les effets qu'elles produisent sur l'étoile. Donc là, on a déjà parlé des transits, le fait qu'il y ait une petite baisse de luminosité quand la planète passe devant l'étoile, donc ce qui est détecté par Kepler, Corot, et il le sera par Plateau. Et les premières planètes qui ont été détectées ont été par la méthode de vitesse radiale. Le fait qu'il y ait une planète qui tourne autour de l'étoile fait que l'étoile n'est pas immobile, mais elle a un petit mouvement circulaire autour du centre de masse, et périodiquement, elle s'éloigne de nous, elle se rapproche de nous. Et ça fait ce qu'on appelle l'effet Doppler, qu'on connaît très bien avec le son de l'ambulance qui change si l'ambulance se rapproche de nous et s'éloigne de nous. Et cet effet existe aussi avec la lumière, mais est très difficilement perceptible. Si l'étoile se rapproche de nous, elle va devenir plus bleue, et si elle s'éloigne de nous, elle devient plus rouge. Donc on voit en fait la lumière de l'étoile qui change périodiquement et qui indique qu'il y a quelque chose qui orbite autour d'elle. Et après, on arrive à définir quelle est la masse de cet objet et quelle est sa distance à l'étoile. On comprend donc bien là le rôle clé des étoiles, et donc notamment des étoiles de type solaire pour l'observation indirecte d'exoplanètes. Éric Lagadec, si on en vient à d'autres étoiles de types solaires qui ont attiré l'attention de la communauté scientifique. Il y en a une qui est baptisée HD 186-302, là pour d'autres raisons. Expliquez-nous un petit peu comment elle a attiré l'attention des scientifiques au point que certains la qualifient de jumelle quasi parfaite de notre Soleil. En fait, c'était ce que je disais tout à l'heure, c'est ses collègues à Nice et avec des collègues de Porto, justement, qui ont fait des observations. Donc, ils ont étudié plus de 300 000 spectres d'étoiles, des spectres à haute résolution qui permettaient vraiment de voir la composition de ces étoiles. Et leur but, c'était de chercher des étoiles qui avaient la même composition que le Soleil et qui, donc, s'étaient formées dans le même nuage que le Soleil. Ils en ont trouvé plusieurs et celle-là, elle a la particularité d'avoir une masse similaire à notre Soleil. Donc, on a une étoile qui s'est formée, a priori, dans le même nuage de gaz que le Soleil, il y a 5 milliards d'années, qui a la même masse, donc qui doit évoluer de la même manière, et qui se trouve maintenant à peu près à 184 années-lumière. Donc c'est pas... Quand on parle de sœurs ou de jumelles, comme disait Céline, faut faire attention, faut pas se dire ce sont juste deux étoiles qui se sont formées, il y en a une qui est partie. C'était vraiment, il y avait plusieurs centaines d'étoiles qui se sont formées dans un amas ouvert qui vit à peu près 100 000 années, pardon. Du coup, vu que c'était il y a 5 milliards d'années, tout ça s'est dissipé. Et donc, celle-là, la particularité vraiment d'avoir la même masse que le Soleil est le même gaz, donc elle doit évoluer de la même manière. Donc ça serait évidemment intéressant de se demander ce qu'il y a autour, est-ce que des planètes se sont formées également, et peut-être autre chose évidemment. Avec toujours ce vieux rêve de trouver justement des systèmes proches de notre système solaire, ou en tout cas qui est une jumelle de la Terre qui tourne autour d'une jumelle du Soleil. Céline Rayleigh, il y a d'autres étoiles qu'on peut mentionner. On peut parler du système Alpha Centauri qui forme un système binaire là aussi qui est très intéressant et qui anime la communauté scientifique depuis longtemps. Alors Alpha Centauri, c'est un système triple puisqu'il y a effectivement alors une étoile qui ressemble beaucoup au Soleil de type spectral G2 qui est la plus brillante. On a une étoile un peu plus froide de type K et puis une étoile de type M qui est bien connue aussi puisqu'elle s'appelle Proxima du Centaure, qui est en fait dans la configuration actuelle du système la plus proche du Soleil. Et on a à peu près sûr qu'il y a une planète autour de Proxima du Centaure qui se retrouve dans ce qu'on appelle la zone habitable de l'étoile, c'est-à-dire à la bonne distance de l'étoile pour que l'eau, si elle existe, soit sous forme liquide. Et on sait que l'eau liquide, c'est un agent vraiment important. En tout cas, ça l'a été sur Terre pour le développement de la vie. Après, là, on est autour d'une étoile de petite masse. On sait que c'est des étoiles qui sont très actives, donc avec des vents stellaires assez importants, des champs magnétiques assez importants. Et ça, on ne sait pas exactement comment ça peut influer sur l'apparition de la vie. Éric Lagadec, il y en a une autre, alors celle c'est plus pour le petit clin d'œil à Nicolas Martin, fan de science-fiction, mais c'est Tau-Ceti qui, dès Star Trek, enfin dans la science-fiction et dans Star Trek notamment, agitait pas mal les espoirs. Expliquez-nous ce qu'est cette étoile de type solaire Tau-Ceti et qu'est-ce qu'on imagine dans la science-fiction autour de cette étoile-là. C'est une étoile qui est assez semblable au Soleil, qui me semble à une masse un peu plus faible, donc elle va évoluer un peu plus lentement. Et j'imagine que c'est une des étoiles qui fait rêver Nicolas Martin, que je salue, qui m'a envoyé un message juste avant. On le salue tous. Qui est en train de se balader au Chili dans les grands observatoires. Et d'ailleurs, je permets de parler tout à l'heure quand Céline parlait de détection directe, c'est quelque chose sur lequel je travaille, donc faire de l'imagerie d'exoplanètes. C'est juste pour vous expliquer à quel point c'est compliqué. C'est le challenge, donc le défi qu'on a quand on essaie de faire une image directe d'exoplanète, c'est quelque chose d'important parce que si on veut analyser la composition d'une planète, c'est important de pouvoir recevoir de la lumière. Et c'est l'une des techniques, donc en faisant de l'imagerie directe, le défi qu'on a, c'est comme si on essayait de faire l'image d'un ver luisant sur un phare. Donc on observe, donc la planète, c'est le ver luisant, le phare, c'est l'étoile. On essaie d'observer quelque chose qui est un milliard de fois moins brillant. Et en plus, tout ça, ça se trouve dans une sorte de brouillard. Parce que c'est dans l'atmosphère, donc on a l'atmosphère de la Terre qui nous crée une sorte de brouillard. Et c'est comme si on était à Nice et qu'on mettait le phare à Brest, par exemple. Donc c'est un challenge, un défi très très compliqué, mais qu'on arrive maintenant à faire, comme disait Céline, on a réussi à le faire pour une vingtaine de planètes, mais évidemment, celles qu'on arrive à imager, ce sont celles qui sont le plus loin de leur étoile et le plus massif possible. Donc c'est quelque chose qui, dans les années à venir, on espère pouvoir le faire d'ici 10, 20, 30 ans, faire des images directes de planètes semblables à la Terre, peut-être autour de cette étoile, cher Nicolas Martin. Céline Rayleigh, vous souhaitiez réagir? Oui, je veux pas détruire les rêves de Nicolas Martin, mais c'est vrai que Tau-Ceti a fait beaucoup de bruit aussi parce qu'il y a eu des publications de planètes, beaucoup de planètes autour de Tau-Ceti, notamment en 2013, qui ont été pour la plupart réfutées. À l'heure actuelle, il y a des candidats, mais il y a rien de confirmé en termes de planètes autour de Tau-Ceti. C'est une étoile très proche, donc facile à observer. Donc voilà, peut-être qu'on va finir par en détecter, mais à l'heure actuelle, il n'y a encore rien de vraiment confirmé. En matière justement de détection, d'observation, Éric Lagadec, est-ce que vous voyez des missions à suivre absolument? Alors on parlait du James Webb Space Telescope qui revient un petit peu comme une arlésienne à chaque fois qu'on parle d'un travail en astrophysique, en astronomie en ce moment. Le James Webb va apporter sa pierre à l'édifice. Est-ce qu'en matière d'études des étoiles de type solaire, le James Webb peut avoir une importance ou pas du tout? Et s'il n'a pas d'importance, est-ce qu'il y a d'autres missions pour le coup là qu'il faudra suivre avec plus d'attention? Le James Webb, évidemment, il apportera des choses. Donc déjà, il permettra qu'on fera des transits. Donc comme disait Céline, c'est quand une planète passe devant une étoile. Donc le James Webb ne détectera pas de nouvelles exoplanètes, mais il essaiera de les caractériser. Donc il y a pas mal d'étoiles pour lesquelles on connaît les transits. On sait exactement à quel moment ces planètes vont passer devant leur étoile. Et on pourra pointer le télescope James Webb et ça permettra d'analyser la composition des planètes. Elle pourra aussi faire de l'imagerie directe et analyser les atmosphères des planètes, mais le problème c'est que c'est pas vraiment optimisé pour les étoiles de type G, donc les étoiles du type solaire, c'est plutôt pour les étoiles qui brillent dans l'infrarouge. Donc pour vraiment, il y a aussi quelque chose évidemment qui va arriver très vite, c'est l'ELT, donc là au Chili, l'ESO, l'Observatoire Européen Austral, en ce moment gère un télescope qui s'appelle le VLT, le Very Large Telescope, qui sont en fait 4 télescopes de 8 mètres. Dans les 10 ans à venir, on va avoir plusieurs instruments qui vont s'installer sur le télescope qui s'appelle l'ELT, l'Extremely Large Telescope, qui va faire presque 40 mètres. Donc ça permettra aussi d'avoir une révolution pour la détection et la caractérisation principalement d'exoplanètes. Et l'un des gros trucs à venir, c'est quelque chose qui est apparu en fin d'année dernière, c'est que le Decadal Survey américain, donc c'est en gros le plan de route des Américains pour leur mission spatiale, l'un de leurs buts, c'est vraiment de trouver une exoterre, donc une planète semblable à la Terre, et pour ça ils vont envoyer a priori un télescope d'entre 8 et 15 mètres qui s'appellerait soit Luvoir, soit Abec, c'est un peu compliqué, mais en gros ce sera un télescope qui aurait vraiment pour but de faire des images directes de ces planètes similaires à la Terre et en observer peut-être une dizaine, une quinzaine. Céline Rélé, en matière de grandes questions qui pourraient persister autour de ces étoiles de type solaire, est-ce que vous voyez des interrogations encore épineuses sur lesquelles se heurtent les scientifiques? Donc effectivement, il y a tous ces aspects de détection de systèmes planétaires et éventuellement d'exotères. Mais encore une fois, tout ce qui est, on a parlé des âges, même si l'astérosismologie permet d'avoir des âges plus précis, ça reste quand même, c'est pas à quelques années près. Hein, donc il y a tous les modèles d'évolution stellaire, des modèles de structure interne des étoiles aussi qui ont besoin de plus d'observations, toujours plus précises pour pouvoir raffiner la théorie derrière. Donc il y aura toujours à apprendre à l'observation de ces étoiles de type solaire et à la fois aussi en termes de structure dans la Voie lactée, où est-ce qu'elle se trouve, combien il y en a, c'est des questions, c'est à peu près, mais ça reste toujours des chiffres avec des incertitudes, des barres d'erreur assez grandes, et surtout les aspects formation aussi. En étudiant dans le domaine du coup millimétrique, l'infrarouge lointain, les régions de formation stellaire. Merci en tout cas, merci beaucoup. L'émission touche déjà à sa fin. Merci de nous avoir emmenés sur la piste des étoiles solaires. Céline Rélé, Éric Lagadec, merci aux équipes de France Bleu à Nice pour le duplex. Un grand merci à toute l'équipe de La Méthode Scientifique, Natacha Triou, Céline Lausanne, Noémie Naguet de Saint-Vulfranc, Amel Boucherka, Eve Etienne, Alexandra Delbo, Nicolas Martin, Olivier Bétard à la réalisation, à la technique aujourd'hui Audrey Guélil. La Méthode Scientifique, c'est fini pour aujourd'hui, mais vous pouvez réécouter cette émission sur le site franceculture.fr ou bien sur l'appli Radio France. Et ça, c'est à l'infini.